Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit stream. Pourquoi je fais n'importe quoi, voilà, avec le son. Bienvenue sur cet épisode 39 de Badoum 03, l'émission dans laquelle on compose un morceau en moins de 3 heures, le tout en direct sur Twitch avec vos autres spectateurs, spectatrices. Et si vous êtes ok, ouh, dis donc, Daisuke, tu es là! Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as donné un abonnement Prime, c'est ça? Je me souviens ça. Salut Daisuke, c'est trop cool. Trop cool, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu vas bien, Daisuke? Ça va? Bienvenue sur son 39e stream. S'il y a des gens qui nous rejoignent aujourd'hui ou dans cette émission, puisque c'est rediffusé sur Radio No Culture évidemment, donc 3 heures pour composer un morceau avec des contraintes aléatoires piochées depuis un chapeau quoi. Et voilà, à chaque fois donc on aura 3 heures avec l'aide du chat bien évidemment, si le chat est motivé pour composer ce morceau. Ça va tranquille encore. J'espère que j'aurai pas un truc trop violent à la voix parce que j'ai un peu mal. J'ai chopé une angine, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de pas y aller trop fort sur la voix. Ça pique un peu, ça picote. Mais sinon ça va. Sinon ça va. Et voilà. Mon prime est déjà claqué autre part. Attends, après un abonnement niveau. Ah non, c'est un abonnement, trop bien, merci beaucoup. Dis donc, bah, c'est ça que il me semblait que ton prime était effectivement. Ailleurs, bah, trop bien, merci beaucoup Daisuke pour l'anti. Prends soin de ta voix, ouais. Pas sûr que 3 heures de stream ce soit la meilleure façon de prendre soin de ma voix. Écoute, on verra. Si j'ai plus de voir la fin du stream, eh ben on verra. Et puis peut-être qu'on fera un stream muet mercredi prochain. On verra. Puisque c'est donc tous les lundis et tous les mercredis à 10h sur Twitch, rediffusion sur Radio No Culture les mardis et jeudis soir à 17h. Salut Gwen! Coucou! Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous êtes chaud pour m'aider, c'est trop cool. Si vous avez pas d'inspi, c'est pas grave. Vous pouvez toujours venir dire des bêtises. Un stream tisane et sans voix. Ah ouais, ça serait bien ça. Hein. Ça serait bien. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant à écouter, à regarder, mais ça me reposerait bien, moi. Je vous propose qu'on commence par tirer au sort les contraintes. Donc, contraintes d'accord, contraintes techniques et contraintes de contexte. On commence comme d'habitude avec la contrainte d'accord. Il en reste une. Il va falloir que je remplisse toutes ces contraintes pour recommencer à zéro, quoi. Il en reste une et c'est... Et c'est Elian qui a proposé Si mineur, Sol, Fa dièse. Je vais couper. Salut Mathis! Hop, hop, hop! Comment ça va? Beaucoup de monde ce matin, disons, c'est cool! C'est cool, on est content! Hop, je vais me. Voilà, comme ça vous entendez. Voilà! Donc Elian, il propose un Si mineur. Si mineur, c'est ici. Sol, qui est donc ça, jamais le mot, son pendant majeur, il y a un mot pour ça, évidemment, il y a un mot pour tout en musique, mais j'ai oublié le mot. Hop, donc Si mineur, Sol majeur, il suffit que je rajoute un doigt, titre, et Fa dièse. Et celui-là, à chaque fois, j'ai envie de le finir par revenir. Bon, pour l'instant, on a ça. Voilà ces trois-là. On va voir si on double le premier ou le dernier. On peut doubler. On va voir ce que ça donne si on double le deuxième. On va voir, voilà, ce que généralement c'est des temps de quatre accords. Quoi. Un peu bizarre, mais ça peut passer. Le premier. Ça va. Et si on double le dernier. Sonne un peu plus terne, pas terne, un peu plus noir, quoi, un peu plus sombre. Après, peut-être qu'on peut faire ces trucs. Des petites rythmiques un petit peu cool, quoi. Ça, on verra avec les autres. Hop, je remets un peu de musique. Je vous note cette contrainte, à savoir donc Elian du groupe Shippenbeer qui propose si mineur sol fa dièse et on verra ensuite comment on le bouge quoi. Contrainte numéro 2. Contrainte technique, pareil, il en reste une seule. Va falloir que je remplisse tout ça. Hop, tu as bougé là. Et donc, la dernière contrainte, c'est tout. Oh là là là là là. Vous vous rappelez en début du stream quand je vous disais que j'avais mal à la gorge? Eh bien là, j'ai tout à la bouche. Voilà, je sais pas si vous. Je triche pas. Hein. Hop, tout à la bouche. Voilà, très bien. Comme ça, je vais bien plus avoir de voix après. Ça va être très très bien ça. Allez, tout à la bouche. Quelle idée de faire ce genre de contraintes. À moins que vous ayez envie de me sauver, que vous avez envie de me trouver une autre contrainte là comme ça, pas contre. Et dernier, contrainte de contexte, là il y en a pas mal. On mélange bien. Une grosse cuillère à soupe de miel et de l'eau chaude. Alors, ça fait une semaine que je fais ça. Non, pas une semaine, ça fait 4 jours que je fais ça. Et ouais, je me suis même fait un grog, mis du thym. On m'a conseillé, une orthophoniste m'a conseillé de mettre aussi du jus de citron, tout ça. Donc, ça fait 4 jours que j'arrête pas de faire ça. Et ça marche, hein? Ça marche, mais là, c'est encore un peu compliqué. Freddy et Jason. Et Michael Myers. Donc on va partir sur hop, on va partir sur un film d'horreur quoi. Et j'arrive plus à parler, hein, vous avez vu? Freddy et Jason. Hop et Michael Myers. C'est bien comme ça qu'on écrit Michael Myers. Est-ce que ça passe dans le cadre? Ça passe dans le cadre. Ça passe dans le cadre. Nickel. T'as trop fait de folie de ton corps à topotopie à toi. Ouais, certainement. Ça doit certainement être ça. C'est possible. J'ai dormi à moitié. J'ai dormi par terre à moitié juste abrité par une ours. Oui, c'était pas. Musique des films d'horreur à la bouche. Ouais. Pff, compliqué, hein. Compliqué. À moins que là. Allez, je vous donne une minute. Si vous me trouvez une autre contrainte technique. Je prends parce que là je vous cache pas qu'avec la voix que j'ai je sens que ça tire déjà un peu donc peut-être qu'on va essayer de trouver autre chose en technique. Ouais, je suis désolé hein. Alors, je triche un peu mais là vu mon état on va prendre autre chose quoi. Tout au clavier c'est pas mal, tout au clavier, là, que des sons midi quoi, que des sons midi, mais il faut que je les fasse au clavier. Ah tiens, c'est pas mal ça, j'aime bien. J'allais prendre les anciens trucs pour voir. Vous clavier, c'est bien parce que quelqu'un a autre chose. Genre vraiment, donc le clavier est là. Genre même la batterie, faut que je fasse tout au clavier quoi. Et j'ai pas le droit d'utiliser la souris pour faire un truc. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal parce que d'habitude, comme je suis assez mauvais au clavier, d'habitude j'utilise la souris pour faire mes accords, ma batterie, tout ça quoi. Allez, ça me va ça. Ça, c'est bien ça. Bien joué, Seb. C'est pour ça que c'est toi le tout premier prime, le tout premier abonné, tout ça quoi. Tout, hop. Tout, est-ce que je vais réussir à écrire tout au clavier? Et c'est très bien ça, tu n'écris pas la souris, mais t'as le droit de te servir de la souris pour corriger, éditer. Ah, c'est bien ça, ok, ça me va. Celle de Real Good du stream. Écoute, oui, il faut que je lui fasse un. J'ai pas pris le temps cet été de faire des trucs un peu spéciaux et tout. Il faut que je change des alertes, faut que je fasse des emotes et tout. J'avoue que j'ai pas pris le temps jusqu'à maintenant. Bon, on va faire un truc spécial Seb. On devait faire en plus une emote spéciale de Seb. Messieurs, dames, est-ce qu'on n'est pas parti? Alors, je vais vous jouer juste vous rejouer avec le petit Billy les accords. Hop, est-ce que je l'ai là? Histoire qu'on les a en tête. Donc les accords c'était si mineur, Bol et Fa dièse. Oui, après je vais faire au clavier, c'était juste histoire que vous les ayez en tête. Là je vais le faire rapidement parce que je vais mettre 20 minutes à être au clavier. Voilà, comme ça vous les avez en tête, et à partir de là on peut commencer le décompte. Allez, compte à rebours et lancer 3 heures. Alors c'est parti, on va se mettre déjà. J'ai un son de clavier qui est prêt. Alors on a quoi? Si mineur. Alors si, heureusement, ce qui est cool c'est que là vous voyez peut-être pas, mais moi j'ai les notes qui sont inscrites. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc ça donne. Wow, il est chiant. J'ai peur, hein? Il faut ajouter à ton pot qu'on traîne tout au clavier, absolument. Non, c'est ça. Alors, si mineur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. L'avantage c'est qu'entre le si mineur et le sol majeur, il n'y a qu'une note qui change. On passe du F dièse au sol. Ici, à celle-là. Si mineur. Même les voix au clavier. Je t'avoue que là, j'étais parti pour faire un truc de film d'horreur, donc je sais pas si on aurait mis des voix, mais on peut trouver des samples. Alors le sample, obligé de les mettre à la souris. Mais on peut essayer de faire des trucs un peu au clavier, enregistrer une petite voix un peu flippante et la remodifier. Alors attendez, là j'ai si mineur, 1, 2, 3, sol majeur. Les chœurs et la chorale, oui, ça oui. 3, 4, 1, 2, 3. Et Fa dièse, le retour du gobelin. Waouh, le gobelin. Il y a une chose là. Non. 2, 3, voilà. C'est pas mal, hein? On va faire du. Du film d'horreur. Ah, 1, 2, 3. Je m'entraîne, hein. On l'a presque oublié sur une gag le gobelin. Oh, moi, j'y pense souvent. Hein. Moi, j'y pense souvent. Sachez que cet été, on a reçu des gens à la maison et que la chanson de l'Apocalypse Sleep. La chanson du gobelin a très bien marché. Les gens aiment beaucoup la chanson du gobelin. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Si mineur. Sol majeur. Sol majeur, disais-je. Fa. Yes. C'est pas mal, du coup je pense qu'on va doubler l'accord le dernier, le Fa dièse, parce qu'il est un peu en suspens et du coup il y a ce petit côté mystérieux qui peut être pas mal. Du coup je propose qu'on enregistre, on va faire un truc un peu lent, non? Vu les accords qui sont un peu mystérieux. On va se mettre à 90. Ça c'est pas mal. Hop, et si j'enregistre. Attention, ça va être grand tard. J'essaie différents trucs en fait. J'ai une suggestion, vas-y, fais péter la suggestion. Pour l'instant, on est là. faire remonter à la fin, c'est pas mal aussi. Faire monter l'accord plutôt que redescendre dans le, dans l'accord, ça peut être bien aussi. C'est quoi la suggestion? Ah oui, et sachez que hop, on a un Discord. Hein. Si vous voulez envoyer des vocaux, eh ben vous pouvez l'envoyer sur Discord que je vais ouvrir tout de suite. Juste prévenez-moi que vous l'avez envoyé sur Discord parce que sinon eh ben, je vais pas le voir. Mais comme ça, vous pouvez envoyer des vocaux pour dire essayez de faire un truc genre tout, ti, ti, tout, ti, tout. Hop, et comme ça, moi j'essaie de le refaire derrière. Mais c'est possible, voilà. Sachez que c'est possible. Hop, je le mets sur le banc. Tac, tac, tac. Voilà. Vous avez qu'à le mettre dans, dans After Stream, par exemple. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas vu ça non plus. Alors, je vais enregistrer ces trucs-là, ou est-ce que ta, ta proposition. Marche sur ce que je viens de faire ou est-ce qu'il faut que je fasse autre chose, Seb? À toi de me dire. Sachant que moi jusque-là, j'étais parti sur. Vu qu'il n'y aura sûrement pas de texte, nous dit Seb, tu pourrais faire une progression dans le morceau du genre, la musique, mais dans le contexte d'un film d'horreur avec un début qui pose le côté flippant, l'arrivée du slasher. Après un passage course-poursuite, un passage reprise d'haleine, puis non, merde, je lui ai pas échappé. Et au final, il tue sauvagement. Ouais, ça peut être. Ouais, on peut partir un truc comme ça complètement. Donc commencer sur ça, très, très, très carpenter, hein, du coup. Hein. Ben Carpenter sur The Thing et trucs comme ça, c'est donc John Carpenter, je crois, réalisateur The Thing, New York 1999, trucs comme ça. Donc plein de films comme ça, il faisait lui-même ses, ses morceaux, c'était très très très synthé. Très très très synthé. Ben pour l'instant, j'enregistre ça. De toute façon, au pire, on peut toujours, je peux toujours changer, le, mettre des violons à la place si on veut quoi. Allez, c'est parti. J'ai pas du tout suivi le rythme, je crois. Hop, je vais refaire mieux. Attention. Non, non, pas Carpenter Brut. D'ailleurs, Carpenter Brut, on lui a demandé souvent si, si ce qu'il faisait était inspiré de John Carpenter. Et il a répondu qu'apparemment, non. Mais bon, chelou quand même. Chelou quand même parce que John Carpenter, du coup, voilà, c'est des films d'horreur, tout ça. Je vous conseille, si vous aimez les films d'horreur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas pris ce que j'ai fait? Je m'ai planté ou quoi? Qu'est-ce que... Ah, je me suis loupé. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Hop. Et on va les mettre là. Et on va couper ça et faire comme ça, voilà. Voilà. J'ai envie de faire une basse on va essayer de choper une hop, il va aller là choper une petite basse qui ferait pareil un truc qui est déjà fait Hop, piste midi. On va choper. On va aller sur Massive. Je vous montre. On va aller sur Massive et on va essayer de choper un truc qui fait comme ça. Et avec ça, ça va rajouter un peu de flippance. Hop, basse. Est-ce qu'il n'y a pas un genre séquence ou tempo synth, truc comme ça. Hop. Là. Là. Ce truc-là, alors c'est un peu ce genre de truc que je parlais, celui-là, spécifiquement, je l'ai entendu plein de fois dans plein de chansons différentes. Tu sais quoi, je vais prendre ça. Sauf que je vais aller lui changer les. Alors, ils sont où? Les faux? Non. Je sais jamais où c'est. Hop. On va faire un truc simple. Voilà, comme ça. Est-ce que je peux simplement enlever ça ou copier-coller peut-être? Oula, oula, oula, oula. Non! Et voilà, en direct sous vos yeux, je fais n'importe quoi. C'est super. Je suis joie. Évidemment, quand il se passe des trucs comme ça, l'ordi, il galère à s'en remettre. Donc, voilà. On est où? Donc basse, on a dit basse, on a dit ça, c'était celui-là, je crois. Voilà, hop. Hop, voilà. Il y a 6 celui-là? On va mettre à 6, on va pas s'emmerder à faire des trucs un peu. Pour l'instant, on va faire un truc comme ça. Est-ce que c'est triché ça ou pas, Seb? J'avais un truc un peu plus. Je sais pas ce que c'est non plus. Quelque chose d'un peu plus carré. Parce que ça. Ouais, c'est que je connais pas grand-chose. Ça fait mal aux oreilles. Ah, désolé. C'est un peu fort, peut-être. M'accepter vu que tu peux pas y toucher direct au clavier. Alors, je pourrais faire un truc. 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'est très vilain, quoi. On va mettre un peu de basse. Lui, il veut pas bouger, lui. Pourquoi il veut pas bouger? C'est nouveau, ça. Hop. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Voilà. Non, mais il est trop bien, ce son, donc là, d'accepter. Eh, je comprends. Mais j'aimerais quelque chose de plus. Avec un son beaucoup plus. Comment dire? Plus que cassé. Et ça, je sais pas. Oh, je fais un peu n'importe quoi, ouais. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer ce que je fais. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de. Voilà, donc le délai, on s'en fout. Quelque chose de beaucoup plus sec. Voilà, j'essaye des trucs, hein. Je sais pas où je vais. Vraiment que ça fasse tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat. Ça marche moyen. Je sais pas trop ce que je dois faire pour avoir ça. Après, je vais mettre plus bas, je pense. Parce que là, mon clavier, je suis sur le si le plus bas là. Donc je vais lui mettre un hop, MIDI effect pitch. Je vais le descendre. Je vais mettre moins 24, comme ça je suis tranquille. J'arrive pas à le faire comme je veux. Enfin, vraiment. Vraiment sec quoi. On peut pas trop bouger, c'est ah voilà comme ça. Voilà. Je suis pas sûr que ça change grand-chose, mais il y a plus rien. J'ai tout cassé. C'est-à-dire que je voulais pas qu'il y ait de queue derrière quoi. On va voir déjà si ça sonne bien. Attention. En plus, le premier il galère. Je change, voilà. Alors, je vais remettre peut-être les paramètres d'usine. Hein. Ouais, j'ai oublié, j'avais ça. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et donc ça donnerait... C'est pas mal tout comme ça. Allez, vas-y, on part sur ça. C'est beaucoup mieux. Ouais, c'est parce qu'il faut vraiment que moi je me mette sur le bon tempo quoi. Je suis pas sûr que le tempo soit raccord avec le tempo du. Enfin, il est raccord avec le tempo du morceau, mais je suis pas sûr que se cale forcément bien par rapport à ça. Et que c'est peut-être moi quand j'appuie sur la note où il se met vraiment sur le 1 tout seul. Donc si j'ai un peu de retard comme ça marche peut-être moins. Allez, vas-y, on essaye. On va faire un truc comme ça un peu. Allez, c'est parti. Ouais, Pas sûr du sol que j'ai fait là. Je pense que je vais le mettre à l'octave en dessous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc celui-là, pareil, on va le mettre en boucle. Je mets bien le début de la boucle là où il faut. Hop, et la fin, ça va être par là. Ouais, mais évidemment, si je me... Ok, donc je pense, vu qu'on fait tout au clavier, on va partir sur un truc de film d'horreur un peu, peut-être un peu spatial comme ça peut être cool. On va avoir une espèce de, j'allais dire, un Alien des années 80, comme si Alien n'était pas déjà un truc des années 80. C'est 79, je crois, le premier Alien. Ça peut être cool d'avoir un truc un peu, je sais pas, monstre technologie, truc comme ça, quoi. Sur un truc comme ça, je sais pas, peut-être avec beaucoup de reverb. Un petit truc comme ça, vite fait. Hop. Peut-être faire plus court que ça. Hein. Ouais, comme ça à peu près. Je suis pas carré d'ailleurs. Je vais me. Hop. Oh, je vais me remettre des trucs un peu carrés. Hop. Allez. Voilà. Voilà. Ajouter un petit peu de percu viteuf, quoi. J'écoute pas le rythme, il faut que je mette plus. J'écoute plus le clic que la basse. La basse, vu qu'elle est, elle est un peu épaisse, elle a tendance à virevolter un peu. Non, c'est pas terrible. C'est marrant, hein? À chaque fois, je fais un truc bien pour essayer, puis j'arrive jamais à le refaire. We'll be right back. Un truc comme ça, ouais, c'est un peu à l'arrache. Hein. C'est un peu à l'arrache, mais on va voir. Parce que j'ai pas envie de démarrer un truc méga synthwave. Ça serait un peu trop facile, quoi. Désolé, j'étais parti prendre une petite dash donc on est en mode horreur spatiale. On est exactement en mode horreur spatiale. On va lui mettre un petit effet stéréo à ce. Est-ce que. À ces charlets. Frequency shifter stéréo vibration. Vas-y. On va voir qu'est-ce que ça donne ça. Ça marche moyen. Pour la stéréo, t'as un truc tout bête dans Ableton. Ouais, mais quand je tape stéréo, il me le met pas. Car stéréo. J'avais essayé pour savoir ce que c'est. Un truc que vraiment, il bouge tout seul, quoi. Le pire, c'est que j'en ai déjà utilisé un et je sais plus du tout où j'ai mis Audio Effect Utility. Right, left, différence, peut-être. Avec ça. Direct utility. Ah, direct dans. Hop. Une phase des. Une stéréo un peu aléatoire, quoi. Alors, je sais pas comment on peut faire ça. Ce bouton vous donne le contrôle de phase de chaque. Développe-le. Je peux pas développer, j'ai que ça, moi. Je n'ai que ça. Moi, j'ai la version 9, hein, d'Ableton Tattoo Network. T'es à 12, je crois. Peut-être que maintenant, il y a d'autres trucs. Certainement d'autres trucs. Et c'est bizarre, parce que je me souviens avoir utilisé... Là, dans le width. Le width. Il est où le width? Ouais, mais il me fait pas un truc complètement aléatoire. D'un côté et de l'autre. Mais j'avais un truc comme ça. Merde, c'est fou quand même. Ça élargit la stéréo, ouais. Bouf, pas tant, hein. En phaser, peut-être, hein. Peut-être qu'en phaser, ça peut être. Ça peut bien être ici, toi. Y'a pas un truc panoramique, sinon? Comment on dit panoramique en anglais? Ouais, j'ai un ping-pong, donc ouais, j'ai un ping-pong délai, mais c'est un délai, quoi. Ouais, quoi que pour le coup ça peut le faire. Je veux pas tant un ping-pong que vraiment il me fout des. Il me fout à gauche et à droite aléatoirement quoi. Do effect érosion, il y a dynamic tube. C'est quoi dynamic tube? Aucune tune, sachant que non, ça peut être ça. Autopan, voilà! Je savais qu'il y avait un truc. Bonjour Autopan. Hop, allez. Je savais qu'il y avait un truc amount. Voilà. Donc quoi, parfois on perd du temps hein, pour pas grand chose. Hein. Je suis désolé, hein. Alors surtout que c'est un détail que personne n'entendra. Donc on était là. qu'est-ce qu'on met en même temps là? Vous avez des idées? Est-ce que le truc, ça, le petit, sa batterie, enfin les cymbales sont cool. Faudrait autre chose. On va se mettre un petit cœur un peu flippant. Hop, MIDI, plugin, je vais chercher les cœurs. On va se faire une petite mélodie. Une mélodie de cœur. Bon, je crois que ce que je suis en train de chanter, c'est déjà été. Je crois que c'est déjà été fait. Mais vous voyez l'idée, quoi. Ça va. Des timbales. Timbales, c'est quoi déjà? J'ai plus. J'en ai, hein. C'est sûr que j'en ai, mais je me souviens plus c'est quoi. C'est les timbales. Oui, des grosses. Boum, boum. C'est comme ça? Je crois que tu étais un peu sur Gangsta Paradise. J'étais exactement sur Gangsta Paradise. Merci. Je savais que je connaissais en plus. Tu as chanté Gangsta Paradise. C'était exactement ça. Hop, ouais, après on va mettre des timbales. Alors je vais faire. Parce que comme vous le voyez, les chœurs sont très longs à charger. Il y a beaucoup d'infos. On va faire une petite mélodie de chœur et après, oui, boum, boum. Ton, ton, comme ça. Ton, ton. Ça peut être bien, ça, ouais. Voilà, mais en attendant, ben, faut meubler, quoi. Faut meubler le temps de. Alors, ce qu'on peut faire, c'est réécouter. Sors de là, s'il te plaît. Voilà. Faut qu'on se décide sur c'est quoi la menace, quoi. Partir sur un alien, mais si c'était John Carpenter qui l'avait fait. Parce que du coup, selon la menace, peut-être on peut changer les trucs aussi, quoi. Si la menace c'est effectivement une alien, comme dans le film Alien, on peut mettre des bruits de monstres comme ça. Si c'est un truc beaucoup plus entité cosmique, on peut mettre des trucs un peu plus grandioses. Voilà, ça je vous laisse. Je vous laisse, vous, dans le chat, décider de qu'est-ce que c'est la menace. Il est très très long à charger. Donc on a été là. C'est Max la menace. C'est vrai. Plutôt par là peut-être. Ouais, je vais devoir faire un peu de. J'ai déjà baissé un peu tout parce que tout est très fort. Hop, moins 6. Voilà, hop, hop, hop, hop. Ça, on va mettre à 0. On n'entend pas très bien les cœurs, on n'entend pas du tout bien les cœurs. Je vais mettre une petite égalisation, on va le faire monter par ici. Voilà, on n'entend pas mieux. Thank you. Toujours pas, hein. On entend toujours pas très bien. Je vais être au max, au revoir. Monstre style alien ou Dead Space, c'est très bien pour la musique. Alors je connais pas du tout Dead Space, très peu. Je regardais une vidéo juste qui expliquait l'histoire de Dead Space sur les trois jeux, je crois. Et c'est tout quoi. Le plugin du légendaire compresseur LAN Tetronic fourni par Universal Audio est gratuit jusqu'au 15 septembre sur leur site. Bah foncez. Un peu comme ça quoi, truc un peu comme ça, et je vais le compresser aussi parce que lui décidément il a pas envie quoi. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi non. C'est bien ça, non, un peu les cœurs là, je trouve que ça fait plus fantaisiste si c'est un anneau que film d'horreur. Ah ouais, moi je trouve que ça fait un peu flippant. Alors déjà le premier il est pas sur la ligne. Un peu flippant quoi, un peu alors après ça fait effectivement un peu drame, grand drame, un truc plus saccadé. Hop. Mais tu peux pas, fais-moi un audio Seb, fais-moi un audio sur truc parce que le AA ça peut être mais hop, on peut essayer. Hein. Si je fais. Comme t'as fait en studio, donc beaucoup plus rapide que ça. Hop, alors on va aller voir le Discord. Vous me dites si vous entendez ou pas. Normalement oui, mais je suis pas sûr. Est-ce que... Donc normalement, non, vous l'avez pas entendu, je pense. Hop, je vais. Ça, et normalement vous l'avez pas entendu, et maintenant vous entendrez. Un truc plus un truc qui tend comme ça. Oui, merde, on l'entend. C'est jamais agréable. Ok, on va essayer un truc comme ça alors, comme tu dis. Je vais changer du coup les paramètres. Je dis ça, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire ça. Pour le mettre en plus, il est où les gâteaux? Alors si je fais non cluster and texture, peut-être, je suis pas sûr. Alors, attendez. Ouais, Ah Ah, il reste. Il sait pas. Ah, c'est. Ah. Wow, ça c'était cadeau. Est-ce que je peux changer ça? Je sais pas trop où c'est. Solo soprano, solo soprano. Peux essayer ça. Alors, on va essayer. En plus, il charge vite pour le coup. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Ah, bah là, il se passe rien du tout. Et le souffle qu'il y a, non, j'ai compris ça aussi, hein, mais le souffle qu'il y a. Alors c'est pas mal pour le truc, sauf que c'est beaucoup trop joyeux quoi. Bam! Cluster peut-être, on va essayer cluster et texture. Ça peut être bien ça. Rise, stabs, and screams. On va essayer ça après. Je pense que ça, il y a moyen que ça marche. Alors. Hop. Non, c'est plus effectivement des textures, tout ça. On va essayer celui-là. Ah ben. Il y en a des biens. Braxos. Ah, je suis confus. Je suis confus. Parce que ça suit pas les notes en fait. Ça aurait été bien si ça suivait les notes, mais ça ne suit pas. Et c'est fort dommage. Non, je pense qu'on va partir sur ça, du coup on est obligé. Hein. On va repartir sur celui qu'on avait. Hein. Et je vais voir si dans les réglages je peux pas faire des trucs un peu mieux quoi. Alors. J'ai envie de tenter de faire en même temps autre chose, mais j'ai peur que mon ordi ne suive pas la cadence de mettre les timbales. Donc les timbales, c'est les gros tambours quoi, qui font dun dum. Mais j'ai peur que mon ordi suive pas. Parce que mon ordi, il est bien, mais il est pas, ce n'est pas Superman. Est-ce que vous avez vu Superman d'ailleurs? J'ai bien aimé. Voilà, petite recommandation la moins niche du monde. Ok. Donc. Ça a changé complètement de l'ambiance moins dark qu'il y avait avant. C'était cool, le Superman, ouais. Bon, j'ai bien aimé le fait qu'on arrive dans un monde où il y a déjà des monstres et c'est normal, il y a déjà plein de super-héros, tout ça. On nous met direct dans le verre, je trouve ça cool. Il est long à charger ce truc, hein. Alors. Ok, c'est ça qu'il me faut. Mais hop, est-ce que close stage, alors just stage, non ça regarde le stage et breath mode wheel, je sais pas ce que dire. J'aime bien être comme ça, quoi. Me font un staccato. Ouais, je sais qu'ils me font un staccato, mais je n'ai pas de staccato. Polylegato, monolegato, poly non legato. Ah. Écoute. Ils me font un staccato, je n'ai pas de staccato. C'est ça le problème. Et je sais que c'est ça qu'il faut, mais note duration. Hop. Moins 100. Ouais, bah ça change pas grand-chose, j'ai l'impression quand même. Distance, voice occupation, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas l'impression de changer quoi que ce soit. Ouais. Ouais, bon, j'ai pas l'impression de. Et arigato surtout. Arigato aussi. Gozaimasu. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Je vous cache pas. Note duration, voilà, mais ça c'était à combien? Je sais même pas combien c'était. Il y a un peu un truc à revenir au normal, quoi. Ah, il reste. Ouh. Il ne fait pas. Ouh. Ou alors je mets un violon. Je sais pas trop. Moi j'aime bien le côté côté voix. Moi, je trouve ça plus flippant qu'un violon, quoi. Ouais, je mets un violon sinon. Vas-y, je mets des violons parce que là, les chœurs, c'est pas possible, quoi. Ou alors tu gardes tes voix, mais t'en mets beaucoup moins. Ouais, faut choisir entre voix et violon. Bah, en fait, le problème, c'est que là, il me faut un staccato, c'est-à-dire des notes très courtes, très tin, ten, ten, ten, et que je peux pas faire ça avec les voix. J'ai pas le plugin nécessaire pour faire ça. Donc, ça donne un truc. Ou alors, comme disait Seb, j'en mets moins. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ta tan tan tan tan, je fais tan tan tan. Et comme ça peut peut-être peut-être marcher. Je fais ça, allez, je fais ça. Je fais ça et au pire on mettra d'autres violons, au pire pour mettre un peu de trucs. On peut pas une les deux pour leur faire ça. C'est parti! Ah, c'est pas ça que je voulais. C'est pas cette note que je voulais. me suis planté sur la... sur genre celle-là, je crois. Hop. Discord, oui, j'ai entendu. Oui, j'ai notif. J'ai notif, j'ai entendu et je vous mets ce que Seb a envoyé sur Discord. Attention. Même encore moins, c'est-à-dire que tu balances juste un oum. Ah. Oum, oum. Ok. Ah. Un truc dans le genre. Il faut créer de la tension. De là, plus loin, de tension. Ok, on peut essayer ça. On peut essayer ça. C'est con ce que j'aimais bien ce que j'avais fait jusque-là. J'enlève le clic. Mais tu sais quoi, ça, je vais le garder, mais pour après. Voilà. Tu comme ça? C'est comme ça, ça te va? C'est reparti, je me clique. Ça c'est bien? Est-ce que ça te convient ce que je viens de faire là à l'instant? Je viens d'entendre Seb, comment tu fais ça? La magie de la technologie. Vous pouvez laisser un message sur Discord. Hop, je vais renvoyer le lien. Hop. Vous pouvez laisser un message sur Discord et comme ça moi je peux le lire. Parce qu'on est dans le futur! Tu peux mettre des violences staccato? Ouais, ça je peux. Pour mixer un peu l'EP, ça marche, mixe bien cette EP. Je peux mettre des violences staccato genre hein, tan, tan, tan, tan, tan. Genre une mélodie ou les accords avant de partir Seb, les violons, est-ce que je fais une mélodie ou est-ce que je fais une mélodie comme j'ai fait pour les voix là, mais plus rapide quoi, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tension, accord, ok, ben, c'est parti, on fait les accords alors. Ça m'arrange pas parce qu'il va falloir que je gère les accords tout au clavier, je rappelle. Je rappelle que c'est la contrainte du jour. Tout au clavier. Je pense que je fais la fondamentale, ouais, parce que les accords... En fait, la basse... Je suis la basse. La basse que je fais là, ici... c'est les mêmes accords, enfin les mêmes notes que les accords là, mais pas du tout au même rythme. Et j'ai peur que si je fais les accords en staccato au violon, ça vienne parasiter tout le bordel. Donc je crois que je vais faire juste les fondamentales, quitte à mettre à octave, peut-être rajouter après les quintes ou comme ça. Mais pour l'instant, hop, je vais chercher. Violon, on l'a dit, hein. On va mettre des violons. Hop. Juste une note. Un truc assez médium, aigu. Ouais. On va essayer, de toute façon, on verra bien. Bien stressant. Alors, staccato. Parce que... Sinon, j'ai... Flippant, j'ai... enfin flippant. Stressant, je vais stresser. Thank you. C'est ça, hein. Ça, je pense, c'est pas mal. Et en vrai, je pense qu'on va. Bah, je vais aller, je vais refaire parce que je suis pas une feignasse. Mais voilà, on va utiliser ça te va, ça? Hop, ça, je vais. Les cœurs, je vais les mettre en boucle. Voilà, nickel. Et donc là, évidemment, faut pas oublier de renommer ses pistes au fur et à mesure, sinon on se perd. Les violons. Et c'est parti. On commence par. Hein. Ici, hein, c'est bien. Ma ligne de basse en fait. Hein. Hop, ça commence à avoir de la gueule. Ça fait depuis le début. Hop, et là on va rajouter les timbales. Comme on disait tout à l'heure. Pardon, les violons, la crush majuscule sur le temps, minuscule sur les. Genre 1 et 2 et 3. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, comme ça. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. En plus, ça ferait. Je vais mettre en staccato et plus en trémolo. Tan, tan, tan. Je sais pas comment faire le tan, tan. C'est quoi, c'est l'octave? Ça, vas-y, je le refais sur la même note, fais pas de banc comme ça. Comme ça te va? Ok, bah vas-y, on sait ça alors. Hop, je mets le clic et on est parti. Ten, ten, ten, ten. Après, tu changes la note sur les accords, évidemment, oui, voilà, parce que c'est j'ai suivi le. J'ai suivi le la basse. Évidemment, hop. Je suis un poil en avance partout. Donc je vais, hop, un peu. Pas hyper carré, hein. Ah, On va faire une petite quantification, hein, parce qu'on peut, parce qu'il faut aussi. Hop. Quantification, c'est-à-dire que l'ordi tout seul, il va tout remettre, il va recaler les notes correctement. Hop. Voilà. Je pense que plus aigu, ça mettrait plus tension. On peut essayer. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, plus étouffé peut-être. J'ai envie d'essayer de mettre une quinte ou comme ça. Je vais jamais partir. la quinte ou la quinte. 1, 4. Du coup, sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça donne. Ok, je vais essayer de faire une quinte. Ça donnait, ça mettre un peu plus de tension. Hop, je prépare tout. Voilà, on va gratifier ça aussi. Je file, amusez-vous bien. Merci. Toi aussi, amuse-toi bien. Je vais quantifier ça aussi. Histoire que ce soit comme le reste, quoi. Hop. Voilà. À gauche et à droite. On va baisser un peu le volume. Et donc les timbales. Les timbales, toutoum, un truc comme ça. Hop, je vais chercher ici. Percussion. Alors j'ai bass drum, timpani, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est les bass drum en anglais. Tout simplement. Hop, donc je vais. Chercher et ça change. Bon, c'est tous les mêmes sons. Donc voilà, on va faire ici une deuxième partie ici, en essayant de pas être trop bourrin. Hop, je vais renommer la piste avant d'oublier ce que c'est. Bass drum. Attends, pas du tout. Pas du tout. Hop, toi tu vas aller là. On va essayer de lui mettre voilà aussi un égaliseur pour peut-être faire remonter un peu les aigus.

Une basse un peu plus. Hop. Je vais lui mettre autre chose. Un peu plus bourrin. À la basse. On va voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme basse un peu cool. Voilà, c'est pas mal ça, mais hop. Je sais pas trop comment ça marche le truc en fait, hein. Je vais pas vous le cacher, hein. Un truc comme ça avec un tin tin tin tin tin tin tin crest. Pas mal ça. Et je mets ça, il se passe quoi? Ça c'est bien, mais c'est beaucoup trop bas. T'entends pas cette basse, c'est dingue. Waouh, ça commence à être relou là. Ça commence à être relou, il me faut juste une basse un peu cool quoi. Qui fasse do do do do. Il est bien, mais ah, c'est bien ça. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bien bête. Ça, c'est bien bête. J'aime bien. Si derrière, je rajoute un. On va faire ça. Hop, je vais faire tout le long comme ça. Hop. On va faire ça, on va commencer à mettre un peu de tension dans le bousin. Hop. Je crois que j'ai un peu loupé le début, donc on va faire comme ça. Et on va le mettre en boucle comme ça. Hop, voilà. Très joli ça. Ça c'est très joli ça. Et pareil les violons, tout ça, on va tout. Est-ce qu'il y a pas un truc genre pour dupliquer? J'en sais rien. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça me plaît, je voulais faire. Je vais voir si je passe en tremolo en ce moment-là. Trémolo, c'est E0. Alors je garde E0 parce que simplement, on peut changer de mode de violon tout ça en tapant sur une touche spécifique qui est généralement beaucoup trop bas pour l'instrument en question. Donc là c'est E0. E0 il est là. Et du coup il passe. Voilà. Et comme ça, j'ai pas besoin de faire de nouveau nouvelle piste ou quoi que ce soit. J'ai juste besoin de changer. Pareil, les basses de rhum, on va attaquer un peu plus fort. Hop. Hop, hop, hop. C'est bien, ça fout l'attention et juste après il faut vraiment que ça pète. Et pour que ça pète. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une batterie, c'est un peu... Ouais, on peut tenter, hein. On peut tenter. Mettre une caisse claire ou un truc... Pam, pam, pam, pam, pam. Un truc beaucoup plus bourrin. Vous savez quoi? On va aller voir dans les... Dans les percs. Merde, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise ou pas? Ouais, j'ai fait une bêtise. Hop. Nanana. Hop. On va voir s'il n'y a pas des trucs, des percus un peu moins. Normalement, si je mets tout, marimba, que je pile full percussion, normalement, je devrais avoir. Je dois avoir le choix. On va trouver le bon truc. Ta-tan-tan, ta-ta-tan. Ouais, bon. Pas mal ça. Si je le mets à partir de là, par exemple. Rien. Je pense que tout est beaucoup trop fort. Donc je vais re-tout baisser. Hop, on va être à moins. On entend pas grand-chose, non. Non, c'est un peu relou. Faire comme ça avec trois notes en même temps. On va voir ce que ça donne. Et je vais mettre plus fort, hein? Qu'est-ce que je veux que je vous dise, moi? Attends, on va le compresser, quoi. Il y a pas le truc. Un snare compresseur, voilà. Hop. On va voir. Et je vais les mettre à fond aussi. Vélocité maximale. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais écouter ce qui se passe avant. C'est pas mal, il manque un truc, mais c'est pas mal. J'ai envie de mettre une autre mélodie, je sais pas trop avec quoi. Là, j'ai caisse claire. J'ai envie de mettre une autre mélodie. Comme une guitare électrique, comme j'utilise les guitares électriques, quoi. Mais là, j'ai pas droit aux guitares électriques, donc il me faudrait un truc. J'allais voir sur Massive si on peut un truc un peu chainsaw ou je sais pas, un truc comme ça, là. Bien débile. Je suis sûr que c'est trouvable, un truc comme ça. CH, et pas chainsaw, non. Chainsaw, c'est CH, oui. Voilà, chainsaw, je savais qu'il y avait comme ça. Ouais, il est pas fou lui, hein. Salaud vexé. Dirty Lead. Vas-y. Je trouve que la percu fait plus combat que horreur. Je sais, je débarque comme une bordel. Ouais, c'est un combat, mais en même temps, il faut la combattre. La truc là. C'est le moment un peu. C'est pas assez aigu tout ça là, c'est pas assez aigu. Mais du coup, est-ce que tu as une idée pour faire mieux que ça? Je suis assez d'accord avec toi. Mais compliqué quoi. Il est pas assez cassé quoi. On a vraiment besoin de la percu pour rythmer le bousin. Bah écoute, je sais pas. Si on l'enlève, il se passe quoi? à vous de me dire si vous pouvez faire avec ou sans. Bon, évidemment, hein. Encore augmenter le... Ça fait mal aux oreilles, mais parce qu'il est pas... Là ça va mieux, non ? Faut que j'ai un peu baissé. On peut faire, on peut tricher. J'ai envie de faire une mélodie. Et de la multiplier après par deux en termes de vitesse. J'ai envie d'essayer. C'est pas foufou, on va pas se mentir, hein. Là, je me suis planté déjà. Hop, si je fais ça et ça, je le mets là. Ouais, là, on commence. Évidemment. Ça fait très clapin-trabut. Mais alors, on va l'effacer parce que je suis pas du tout satisfait de ce truc là. Écoutez, on l'écoute depuis le début et on voit ce qu'il nous faut, quoi. Je remets les caisses claires, vous me dites si je les vire, hein, à ce moment là. Ça fait un peu plus combat que horreur, effectivement. On va faire une pause d'ailleurs aussi, hein. C'est bien, les pauses. Effectivement, la raison, c'est peut-être trop les percus qui font plus guerre qu'autre chose. Ben, ça fait on se rebelle contre la menace. Voilà. Mais ouais, du coup, on avait dit qu'on voulait mettre un peu plus d'action en ce moment-là. Donc, je sais pas. On se réfléchit pendant 5 minutes. Je vous mets un clip de Brigitte Bonin, All the Other. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. Brigitte Bonin avec All the Other, elle a sorti un morceau, je sais pas si c'est en collaboration, je sais pas si c'est toute seule, Predator, qui change énormément, un gros truc électro avec beaucoup de basses. Voilà, allez checker ça. J'ai écouté que des extraits, j'ai pas eu le temps de tout écouter, mais ça a l'air vachement cool. Voilà, Brigitte Bonin. Nous, on est sur de l'horreur spatiale. De l'horreur spatiale, et effectivement, là. Les caisses claires font plus rébellion contre la bestiole qu'autre chose. Le problème, c'est que faut faire évoluer le morceau et je sais pas trop. Allez, on l'écoute une fois et on voit. Thank you. Ouais, on va virer la caisse claire. On va virer la caisse claire et peut-être qu'on va se mettre. J'ai envie de mettre des cuivres qui fassent une boucle simple. Mais faut voir quoi. Faut voir, je suis pas sûr de moi. J'ai peur que ça fasse encore, encore trop. Trop guerrier, comme elle disait. Comme disait Gwen tout à l'heure. Alors, brasse, on va se mettre hop, l'ensemble de cuivre. Hop. Comme ça. Un truc comme ça, en boucle, partir de là à peu près. Truc comme ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. En tout cas, je vais l'enregistrer, comme ça on l'aura. Si c'est pas bien, je pourrais toujours le virer. Mais je sais pas, est-ce que c'est trop. C'est compliqué à dire quoi. Est-ce que c'est trop. Trop bien dans le sens trop positif? Ou est-ce que ça marche pour un film d'horreur spécial? La fin comme ça j'aime bien. Après on a le temps hein, si on peut. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 1h15. On peut rajouter encore plein de trucs. Hein. J'ai envie d'aller un peu plus loin. De faire au moins encore une boucle. Avec tout d'ailleurs. Hop là. Là. Et toi, tu me boucles, s'il te plaît. Voilà. Il faut un truc un peu tragique, un peu flippant, quoi. Là, j'avoue, j'ai pas d'idée. Peut-être une mélodie dans les aigus, ça c'était cuivre, pas avec tes contraintes. Peut-être une mélodie dans les aigus un peu lancinante, un peu proche de la voix humaine, quoi. Bah si, visant des trucs genre vocal, qu'est-ce que. Au pif, hein. C'est marrant. Ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est plus des chœurs que des vraiment filters femme machine. C'est plus aigu, hein? Non. Massive talking. Genre un truc qui crie. Si je mets scream, voilà. On va essayer. Hop. Scream, on est d'accord, ça veut dire cri, hein. C'est pas terrible. Catapulte, pourquoi il est là? Ok, je sais pourquoi il est là. Genre une voix qui crie, tu vois. Je vais essayer ça. Lui mettant, hop. On va lui mettre des filtres, quoi. Hop, Q, on va lui enlever l'aigu, par exemple. Plus, pour aller avec plus d'aigu. Au piqué. C'était ici. Ouais, c'était là. Terrible. Je sais pas trop. Ah, c'est que ça devient compliqué, quoi. Et aussi, hop, d'ailleurs, on a des boucles. Ça commence à être compliqué, je vous cache pas. Synthétique. Ça, c'est peut-être pas mal. On va essayer. Ça, mais je pense que je vais mettre des violons en fait, hein. On va pas s'emmerder. Je vais mettre des violons. Je vais te laisser là, les aigus en boucle me frisent le cerveau. Ouais, je comprends. Je comprends et je suis pas sûr d'aller beaucoup plus loin non plus, parce que là je suis un peu en panne d'inspiration. Hop, je vais juste essayer de mettre ces violons là. Pourquoi je prends la suite? Et à mercredi, absolument, à mercredi pour un nouveau morceau à 10h sur le Twitch. Hop. En trémolo, peut-être en trémolo. Alors, on va faire ça. Voilà, un truc comme ça, et en vrai, ben, je pense qu'on est pas mal. On va s'écouter tout comme d'hab. Pour d'avoir un texte, une idée ensemble. juste vérifier que ça, enfin, refaire un peu ça. C'est violent là. Ben ça va aller, hein, je crois comme ça. Hein. Et finir comme ça, on arrive quasiment à 3 minutes de morceaux et je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que déjà, j'ai plus un speak. Ça commence à être compliqué. Les contraintes étaient cool, mais c'est vrai que tout seul là comme ça peut vite être un peu compliqué. Bref, en tout cas, on se retrouve nous mercredi à 10h, comme tous les mercredis à 10h et tous les lundis à 10h. Rediffusion sur Radio No Culture les mardis et jeudi soir, donc le lendemain du stream, à partir de 17h. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram, sur Discord, tout ça. Ce morceau-là, comme tous les autres, va être disponible partout, sauf Spotify, parce que Spotify, ça suffit. Et voilà, je crois qu'on est bon. Je vais vous laisser, comme d'habitude, sur le morceau qu'on vient de composer, et je vous dis donc à mercredi prochain. Salut tout le monde. Thank you.